marche. Il était des fois. La première fois que j'ai lu en PMI, le brouhaha de la salle s'est arrêté net. Et la puéricultrice est sortie de son bureau en disant « Mais qu'est-ce qui se passe ?» La première fois que j'ai lu en PMI, une maman m'a dit « Tu veux ma photo ?» La première fois que j'ai lu à un bébé, au son « plic », il a ouvert un œil, et au son « ploc », il a ouvert l'autre œil. La première fois que j'ai entendu lire « Bonsoir lune », « Bonsoir les étoiles, bonsoir l'air, bonsoir les bruits de la terre. » Le bébé faisait une bulle avec sa bouche. La première fois que j'ai lu à une maman et son bébé en PMI, dans ma tête, c'était « Excusez-moi, pardon de m'excuser, mais s'il vous plaît, j'aimerais bien, si vous êtes d'accord, bien sûr, s'il vous plaît, lire une histoire à votre bébé, s'il vous plaît, pardon, excusez-moi. » Maintenant, quand je lis à des parents et des enfants, dans ma tête, c'est « Tic-tac-boom, it's me ». La première fois que je me suis allongée sur le tapis pour lire à un petit de 5 mois, qui rigolait quand il me voyait de loin et qui pleurait dès que je m'approchais, je me suis dit « Ben, qu'est-ce qu'il faut pas faire ?» La première fois qu'un bébé a pleuré quand je lui ai lu une histoire, j'ai bafouillé « Il est peut-être fatigué ?» La première fois qu'un bébé a arrêté de pleurer quand je lui ai lu une histoire, j'ai fait un gros effort pour ne pas lancer des you-you de triomphe. La première fois qu'une maman m'a confié son bébé dans les bras pour chercher son téléphone et que ce bébé a vomi sur moi, j'ai compris pourquoi on dit toujours que le lecteur ne fait pas que lire. La première fois où un bébé a eu un fou rire pendant que je lui lisais une histoire, toute la salle de PMI rigolait avec lui. Finalement, il a tellement ri qu'il en a vomi. Tant pis pour mon livre. La première fois que je me suis retrouvée toute seule à lire sous les regards des adultes présents, alors que tous les bébés avaient déserté le tapis, j'ai compris pourquoi on dit souvent que dans le travail de lecteur, il faut de la légèreté. La première fois que j'ai lu La Revanche de Lily Prune à des petits de 3 ans, je me suis dit, ils vont se barrer. Et ils sont restés. La première fois que j'ai lu « Bonne nuit, petit monstre vert » à une petite fille de 2 ans, elle m'a dit « Va-t'en, va-t'en, va-t'en !» Une fois, j'ai entendu une petite de 2 ans raconter tout le texte des 3 books sans changer un seul mot. Le premier livre qu'on m'ait piqué en PMI, c'était un nanar. J'aurais bien dit à la personne d'en choisir un autre. Une enfant a écouté 50 fois Marcel le rêveur et de la première à la 50e fois, à chaque fois, au même endroit, elle a ri en disant « Oh, une banane !» Une fois, je lis Brave Coccinelle à une petite fille de 3 mois. Elle semble écouter. Puis je lis Mandarine la petite souris. Elle se met à pleurer. À la demande de sa maman, je relis Brave Coccinelle. Elle s'arrête de pleurer. Je relis Mandarine, elle pleure. Je relis Brave Coccinelle, elle se calme. La maman me dit « Bon, elle préfère Brave Coccinelle. » Une fois, un papa non lecteur a passé plus de 2 heures à regarder les albums. La première fois que j'ai lu un roc, un pic, un cap, une péninsule de deux dieux en PMI, le bébé de 18 mois souriait et disait « Corps, corps, corps !» Et les parents me regardaient comme si j'avais parlé en anglais. Une fois, j'ai lu les 2 grenouilles à grande bouche en maternelle et un petit s'est exclamé « Oh, madame, elle nous l'a lu le même !» Mais c'était pas les 2. Une fois, une maman m'a regardée à la fin de la consultation et elle m'a dit « Vous n'avez pas lu d'histoire à ma fille ?» Cela faisait 6 mois qu'elle installait son landau en barrière entre elle et moi et que je lisais aux autres enfants à côté pour qu'elle puisse entendre malgré tout. Alors je ne me suis pas faite prier. La première fois qu'une maman a refusé que je lise à son bébé, j'ai essayé la fois suivante. Et cette fois, c'était la bonne. La fois où j'ai dit en réunion à des médecins de PMI, « Nous, les lecteurs, on a de la chance, on arrive frais comme des gardons, alors que vous... » Je me suis dit que c'était peut-être une gaffe. Une fois, j'ai lu Petit Gris en PMI. Un jour, Petit Gris attrapa la pauvreté. Un monsieur s'exclame, « Ben comme ça, on est deux. » La millionième fois, où j'ai lu « Délivrez-moi », j'ai fini par m'apercevoir que je ne tournais pas les bonnes pages. Moi aussi, j'ai lu « Délivrez-moi » des millions et des millions de fois. La fois où j'ai lu « Assise sur un tapis » à trois enfants, et que d'un coup d'un seul, ils se sont levés pour s'asseoir sur mes jambes, j'ai compris pourquoi Dame Nature m'avait faite si grande. La dernière fois que j'ai lu à des petits, j'en ai retrouvé un dans ma valise de livres. Toutes les fois où ce petit m'a demandé au creux de la main, il a ouvert et fermé sa main. Et puis il me l'a tendu et j'ai gardé sa main au creux de la mienne. La première fois que j'ai lu à un bébé, j'ai su tout de suite que ce ne serait pas la dernière fois. À chaque fois que je lis à un bébé, c'est toujours la première fois.